le pont d'Avignon. On y danse sur le pont d'Avignon. On y danse tous sur le pont d'Avignon. On y danse sur le pont d'Avignon. On y danse tous en rond, les belles dames font comme ça, les messieurs font comme ça. Sur le pont d'Avignon, on y danse sur le pont d'Avignon. On y danse tous en rond. On y danse tous en rond.